Bon, on va s'amuser ce matin. Donc, je vais regarder souvent mes notes parce qu'en fait, il y a beaucoup de versets. Et comme je ne les connais pas tous par cœur, donc du coup, je vais quand même lire. Puis ils vont être écrits aussi sur le. Greg m'a fait un super PowerPoint. Donc, du coup, on va en profiter. En fait, on va aborder les langages de Dieu. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu parle. Et il parle tout le temps. Et il parle du matin jusqu'au matin. En fait, non-stop, même la nuit, il parle. Mais souvent, on n'arrive pas à discerner quand Dieu nous parle, en fait. Et ce n'est pas lui le problème, c'est nous, en fait. Enfin, le problème, si on peut appeler ça un problème. Donc, Dieu se régale vraiment de nous entendre, de nous parler. Et parce qu'en fait, ce cours, pour vous dire la vérité, parce qu'on est dans la vérité, on est chrétien, c'est les langages de Dieu, c'est un cours sur le prophétique. Donc, des fois, je vais faire des dérapages et je vais dans le sens où je vais parler de paroles prophétiques. Donc, c'est des paroles qu'on reçoit de Dieu pour nous et puis pour d'autres. Donc, je vais essayer de l'adapter pour que ça soit individuel, mais aussi penser que Dieu nous a créés pour être en relation avec les autres et que c'est pour les autres aussi. Donc... Donc, faut aspirer vraiment à ce que Dieu parle. Et donc, une des premières formes que Dieu prend pour parler, c'est la parole de Dieu, donc la Bible. Donc, c'est la forme la plus, je vais dire, la plus sûre. Que lorsqu'on reçoit, quand Dieu nous parle, qu'on reçoit pour nous et pour d'autres, c'est la forme la plus sûre. Donc... Donc ça y est, je commence à partir. Là. Je vais me faire rire toute seule. Moi, souvent, je reçois un mot et je vais aller le chercher dans la Bible. Je vais chercher qu'est-ce que Dieu veut me dire avec ce mot. Et parce que d'ailleurs, souvent, très très souvent, je vais en premier chercher dans la Bible. Et donc parce que c'est le moyen le plus sûr. La parole écrite. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai reçu des choses au travers de la Bible. Et souvent, le dimanche matin, vous voyez, je regarde dans ma Bible ou parce que c'est la Bible qui reste le fondement et c'est la parole la plus sûre pour nous pour quand Dieu parle. Après, il y a en deuxième, il y a dans la voix de Dieu, il y a cette voix intérieure. Souvent, depuis que je suis chrétienne, beaucoup de gens m'ont dit Dieu m'a parlé. Et puis moi, je dis Dieu m'a parlé. Et je m'en souviens que quand je venais de me convertir, quand j'entendais Dieu m'a parlé, waouh. Dieu, c'était juste énorme, quoi. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Et c'est souvent quand Dieu nous parle personnellement, c'est par une petite voix intérieure. Donc cette voix intérieure, c'est souvent quand vous priez, quand vous méditez, il y a cette voix intérieure. C'est pas audible. Ah, c'est quoi ? Non. Je sais pas, c'est une mouche ? Dans Ésaïe 50, je ne vais pas lire tous les versets, mais dans... Ça va, princesse. Non, non, non, tu veux garder avec moi. Non, attends, tu ne la tapes pas. Non, parce qu'on n'est pas pour les diables. Dans Ésaïe 50, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir la parole de celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Donc c'est vraiment cette voix intérieure. Après, une des voix, il y a la voix audible. Là, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a déjà, vous ici, qui avez entendu la voix audible ? Ah. Audible. Moi, ça m'est à demi arrivé, c'est possible ça? À demi arrivé. Donc, tout le monde connaît, c'est Samuel, hein, quand Dieu l'appelle, Samuel, Samuel. Donc, c'était audible. Là, on est à une révélation plus élevée, en fait. Hein. On entend le son. Et ça m'est arrivé, en fait, j'étais pas du tout dans un temps de prière. C'était au début de notre mariage avec Greg, ça faisait à peu près un an qu'on était mariés. Et en fait, Greg, vous ne lui dites pas que je dévoile des secrets ici, hein, comme il n'est pas là, j'en profite. Donc, au début de sa conversion, c'est quelqu'un qui intercède, qui prie beaucoup. Il priait 5 heures minimum par jour, tous les jours, il priait 5 heures. Bon, du coup, après, je l'ai grondé, j'ai dit, écoute, il faut que tu baisses, quoi. Il faut que tu passes du temps avec moi. Donc, il a passé à 3 heures, donc c'était bien. Et du coup, toujours, il revenait, ah, Dieu m'a parlé, et moi, j'étais toujours, ah, Dieu lui parle tout le temps, lui. Et moi, je priais, j'avais mes temps de prière plusieurs fois, j'avais coupé ça dans la journée, bon, ça, c'est autre chose. Et un jour, j'étais en mon linge, et là, Dieu m'a parlé, première fois. Mais j'étais en train d'étendre mon linge, et Dieu, c'est pour ça que je dis à demi, parce que... À ce moment-là, tu ne sais pas si c'est audible, si c'est intérieur, si c'est extérieur, si c'est quoi que ce soit. Mais clairement, une voix m'a dit, ne te mets pas derrière ton mari, sois à côté. Et là, c'était audible. Je dis que c'est audible aujourd'hui et sûrement que ça l'était. J'ai couru, donc Greg est en train de prier, je cours dans la chambre, il est en train de prier. Greg, Dieu m'a parlé! Puis lui, il me fait, ouais? Eh bien ouais, normal quoi. Et moi, c'est pas normal. Mais c'était la première fois et je crois que c'était audible parce que de cette façon-là, ça m'est plus arrivé en fait. Je prie encore pour que ça m'arrive encore, mais ça m'est plus arrivé. Après, une autre façon, une autre façon, c'est nos pensées. Dieu parle par nos pensées, Dieu parle par des idées. Dans Amos 4:13 que je ne vais pas lire, Dieu parle et là c'est une des façons qu'on néglige beaucoup et chaque moment de la journée, chaque jour, chaque Dieu vous parle et souvent par pensée. Et là par contre, si vous êtes intentionnel quand vous priez, quand vous êtes en voiture, quand vous êtes avec des gens, si vous dites et vous allez voir que quand vous faites attention à ce que vous pensez, vous allez voir que Dieu parle et il va vous donner des idées. Moi, pendant le culte là ce matin, pendant le culte, j'ai eu plein de choses. J'aurais pu tout changer. Mais je dis Seigneur, quand même, on va pas tout changer. J'ai tout préparé, mais il y a plein de choses qui viennent, et je sais, je le sens dans mon esprit, je le sens à l'intérieur de moi que ça vient de lui. Et les pensées, par exemple, aussi, quand vous êtes chez vous, n'importe où, vous pensez, à Geneviève. Alors je dis, je pense à Geneviève, voilà, comme ça. Et bien là, je sais maintenant que Dieu me dit, soit je prie pour elle, soit j'y envoie un petit mot, soit je l'appelle, soit... mais si on néglige ces petites choses, nous, on veut la grande révélation, le grand truc, machin, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention même dans ces petites choses, des petites pensées, parce que Dieu parle, il commence comme ça, hein, c'est juste des pensées. Alors maintenant, je fais très, très attention de dire, dès que je pense à quelqu'un, mais des fois, je pense à des personnes qui ont 20 ans, je vais essayer de les retrouver soit sur Facebook, tout ça, juste pour dire je pense à toi ou quoi, parce que je sais que c'est de Dieu. Donc n'hésitez pas que vous pensez à moi, à m'envoyer des textos. Oh, tu es belle, Katia. Ça vient de Dieu. Donc n'hésitez pas, dès que vous pensez à quelqu'un ou quoi, parce que Dieu parle de cette façon-là. Oh là là, j'ai fait que la première page. Je me dépêche. Dieu parle par des... Donc, c'est des pensées, des impressions, en fait. Ça reste une impression. C'est à l'intérieur de nous. Et dans ces impressions, il y a les impressions physiques. Alors là, c'est surtout... ça va se passer... Alors, ouais, ça va, je... dans les impressions physiques, je ne lis pas trop les versets. Hein, je suis désolée parce que c'est en fait, je ne vais pas avoir le temps sinon. Mais vous pouvez les noter. Ils sont bien. dans les impressions physiques, souvent ça arrive quand on prie pour d'autres. Par exemple, il y a Blaise Tommy qui est en Suisse, qui est pasteur en Suisse. Lui, quand il prie pour des gens ou quand il a des paroles pour des gens, il sent, par exemple, il a une douleur à la main, alors que ce n'est pas habituel. Il dit « Ah, là, le Saint-Esprit parle. » Donc là, il dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal à la main gauche ou qui a quelque chose à la main gauche ?» Effectivement, souvent, parce que Dieu parle aussi avec notre physique. Il faut être très intentionnel dans tout, dans nos pensées, dans notre corps. Dieu utilise tous les sens. Et après, à vous de voir comment vous évoluez, comment Dieu vous parle. Donc, il y a cette impression physique. Et il y a l'impression aussi émotionnelle. Là, je vais lire le verset dans Luc 7, versets 12 à 16. « Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. » Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Là, en fait, Jésus fut ému de compassion. Donc, le Saint-Esprit a mis de la compassion en lui. En fait, il a été touché dans ses émotions pour parler, et là, il a pu prier pour elle et pour lui, et puis donc le mort a ressuscité. Donc là aussi, c'est pareil. Donc faites attention, prêtez attention plutôt à ce que vous ressentez dans vos émotions. Et aussi, comment dire, pour le dire bien, toutes nos émotions ne sont pas toujours bonnes aussi. Il y a des saisons, il y a des temps où on va ressentir une émotion et ça va pas venir de Dieu tout le temps. On n'est pas des... Voilà. Donc, c'est ça, être en communion avec Dieu. Quand Dieu parle, il faut vraiment faire attention à ce que Dieu dit. C'est pour ça que j'aime bien, Bruno Picard, hein, notamment, qui est prophète. Et j'aime bien la façon dont il fait, parce qu'en fait, il reçoit beaucoup de choses. Bon, je pense qu'il a toutes les façons, lui. Mais je crois qu'à 90%, il ne délivre jamais ce qu'il a aux gens, pour les gens notamment. Il prie. Il prie pour les gens. Et d'autant plus si lui est prophète, et comme bien d'autres dans la Bible, hein, de pas faire tout et n'importe quoi, mais d'être sage et de prier lorsqu'on ressent des émotions, quand j'ai parlé des par rapport au physique, quand on reçoit des choses physiques. Donc soyons sages aussi, parce que des fois ça peut venir juste de nous, hein, parce qu'on est quand même des êtres émotionnels grâce à Dieu. Donc ça va là, je ne vais pas trop vite. On est bon ? Alors il y a une autre façon, c'est les rêves. Alors ça c'est une... et quand on voit dans l'Ancien Testament, Dieu parle dans les rêves en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne pratique pas ou c'est pas valorisé. Et j'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup parce que je rêve beaucoup, donc du coup c'est un de mes préférés. Bon, quand je fais la sieste, je dis à Greg, oh Greg, je vais laisser Dieu me parler. Enfin, c'est l'excuse pour aller faire la sieste, mais bon, mais c'est vrai que dans Job 33 par exemple, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc, les rêves sont un des langages de Dieu. Parce que je pense qu'on est. On parlait de la paix ce matin. Mais on déconnecte, hein, en fait. On déconnecte quand on dort, on déconnecte. Et je pense que Dieu. Quand on a cette sensibilité-là, Dieu parle. Moi, ça m'est arrivé une fois. Donc, je fais un rêve. Je fais un rêve d'une dame. Et en allant au culte le matin, je dis à Greg, je dis, oh, ben, tiens, j'ai rêvé d'elle. Je dis, voilà, bon, c'était sympa le rêve. Et puis, oh, il me dit, et puis Greg, c'est là que Greg me dit, oh, ben, ça serait bien, puisqu'il est sympa, tant qu'à faire, hein, tant qu'il est sympa, ça serait bien que tu ailles lui dire. Alors donc, je la vois au cul, je dis, oh, Margaret et tout, j'ai rêvé de toi. Et puis, c'était un super rêve. En fait, je la voyais dans une maison et elle était à l'encadrement d'une porte. Et en fait, elle était là, elle se tenait là. Et puis, elle était, mais. Comme jamais je l'ai vue, souriante, elle riait, puis elle était à cette. Elle tenait comme ça l'encadrement, et puis elle était prête à aller dehors ou dedans, mais je me souviens de l'encadrement, de la porte, mais dans une joie, mais juste incroyable. Et je lui partage ça, puis elle me regarde, elle me dit, oh! Elle me dit, écoute, Katia, elle me dit vraiment, c'est une confirmation pour moi. Vraiment. Dieu m'a parlé ces dernières semaines à ce que il fallait que j'ose passer les portes en fait et que le pas prochain c'était passer la porte et en fait bon elle a été super bénie puisque c'était une confirmation pour elle mais moi j'étais encore plus bénie qu'elle parce que je savais pas que je croyais que c'était un rêve sympa moi et non Dieu a permis que cette confirmation donc pareil hein. Quand moi, à côté de mon lit, j'ai un cahier en fait. J'ai un cahier. Alors, il y a des fois, et puis les dates. Alors quand je vois les dates, j'ai rêvé de ça, mais que ça. Mais je les garde là. J'ai pas de réponse encore. J'ai pas trouvé. Parce que c'est en partie. La Bible dit. Hein, c'est en partie. Donc, il doit être par là le verset. Mais du coup. Toujours gardez votre cahier, puis notez vos rêves. Notez, parce que Dieu parle. Si déjà vous avez pensé à ce que peut-être Dieu a pu parler dans ce rêve, c'est que sûrement Dieu a parlé dans ce rêve. Donc, même si vous n'avez pas la réponse aujourd'hui, mais n'hésitez pas à marquer, puis pourquoi pas de dire, ben, vous savez qu'il y a quelqu'un de prophétique. Je vais dire mon rêve. Là, je pense qu'il y a quelque chose. Est-ce que tu peux l'interpréter? Et les rêves peuvent s'interpréter. Pas tous, mais notre esprit le sait, lui. Le sixième, c'est les visions. Alors, les visions. Alors, on dit, il y a les visions ouvertes et les visions fermées. Non, et les. Il fallait que je la fasse celle-là. Les visions intérieures et les visions ouvertes qu'on appelle. Donc moi, bon, je vais dire plutôt en fait les visions ouvertes et les images. Et là, je suis sûre à 100% que vous avez tous reçu à un moment donné une image. De dire vous priez, vous êtes seul en prière avec Dieu, vous avez reçu des images. Et vous avez prié pour quelqu'un, vous avez reçu des images, c'est à 100%. Je mets mes deux mains à couper. Là, c'est pareil, là, c'est acte 10, verset 19-20. Donc, je vais le lire. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui ce que Dieu a déclaré pur. « Ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré du ciel. Là, c'est clairement une vision ouverte. Et moi, personnellement, j'en ai jamais eu. J'aimerais beaucoup en avoir, mais bon, j'en ai jamais eu. Et c'est juste, ça doit être trop bien, on a les yeux ouverts, c'est comme si on était au cinéma, là, et puis là, on voit les choses se passer, ça doit être... Je vais prier pour que j'en ai. Et je vais en avoir, prochaine fois, je vous le dirai dès que j'en ai. Mais par contre, j'ai souvent des images. Et des images, tout le monde en a quand on prie. Il y a une image que j'ai eue il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, fallait compris pour d'autres personnes et savoir un peu qu'est-ce qu'on recevait pour la personne. Mais je vous parle ça il y a 20 ans. Donc tout ce qui était prophétique, tout ça, on n'était pas enseigné. Donc on faisait dans... Voilà. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, je me suis reçue, avant même que je prépare ce message, je me suis ressouvenue de cette image que j'avais eue pour cette fille. J'avais vu un gruyère, le fromage gruyère. Donc le gruyère, sa particularité, c'est qu'il a des trous. Donc aujourd'hui, je pense que je ne l'aurais pas dit. Ou alors j'aurais... parce que bon, ça c'est un autre enseignement dans l'interprétation et comment on la délivre. Mais... Et je m'en souviens, j'avais été la voir, je dis, donc on disait ce qu'on avait reçu, et puis je lui dis, écoute, j'ai l'image d'un gruyère. Et puis là, elle me regarde, et elle se met à rire, et elle me dit, alors ? Je dis, ben ouais, et alors ? Je sais pas. Ben voilà, mais tu le fais, tu prends le gruyère, et tu demandes à Dieu de toi. Et c'est marrant hein, que je m'en suis ressouvenue là, et je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'interprétation, 20 ans après. C'est sympa. Faut du temps, mais souvent et bon parce qu'à l'époque j'étais pas enseignée donc j'avais eu une image et puis voilà aujourd'hui je pense que c'est quelqu'un que je peux revoir et puis la rappeler puisque du coup elle doit s'en souvenir hein, puisqu'on avait bien ri donc du coup je lui donnerai l'interprétation mais voilà pour tout ça pour dire que Dieu parle par des images et j'ai encore une minute ou deux là. C'est en fait large. Pour être ouvert sur entendre la voix de Dieu, comment Dieu parle, on a tous, je ne sais pas si je l'ai fait à transformation, on a tous un chemin en fait. Et. Quand savoir, moi je sais que par exemple pendant la louange, moi là le ciel est ouvert pour moi. Je sais que je vais me connecter direct parce que ça la musique, les instruments me font que je sois ouverte à la présence de Dieu, à ce que Dieu veut dire. Et on a tous un chemin. Donc je vais juste les citer là parce que pareil c'est une prédication en fait. C'est juste pour vous donner, quand vous allez cette semaine, et puis les mois, les années, et puis toute votre vie, en fait, des pistes pour de dire, ben, Seigneur, je veux t'entendre, je veux que tu me parles par impression, que ça soit vision ouverte, image, par la parole de Dieu. Créer cet espace, en fait. l'espace. Et donc il y a neuf chemins, mais c'est notre prédication, donc du coup juste je vous l'ai dit comme ça. Il y a des personnes, on appelle ça les naturalistes, qui trouvent Dieu dans la nature. Je pense qu'il y en a ici, je ne veux pas les citer, mais que ben, Dieu leur parle quand ils vont dans les bois, qu'ils voient la nature, le coucher de soleil, ça leur parle, et là Dieu parle. Le sensitif, goûte Dieu au travers des cinq sens. Et voilà, c'est les cinq sens, ça, et là, ils peuvent sentir la présence de Dieu, ils peuvent entendre même la voix de Dieu. Les traditionalistes aiment les liturgies ou les modèles habituels. Bon, vous avez compris, c'est pas moi. Mais bon, il y en a qui sont là, et il n'y a pas... Il n'y a pas de bon ou pas bon, c'est juste notre chemin. Et ça, c'est bon de savoir. Moi, quand j'ai appris mon chemin, c'est incroyable. J'ai grandi avec Dieu, j'ai grandi dans l'écoute de Dieu, parce que quand je vous parle de la louange, vous allez tous penser, je sais que vous avez tous dit, ah, moi aussi. Mais je suis sûre qu'il y en a que leur premier, bon, c'est pas, il n'y en a pas qu'un, hein, mais que leur premier, c'est pas la louange. Ça va être de se balader dans la nature. Et la 7, bon, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est écrit. Aime Dieu au travers des disciplines spirituelles et la simplicité. Hein, y en a, hein. J'en connais ici, j'en connais, je ne les dévoilerai pas. L'enthousiaste. Aime Dieu dans les grandes célébrations. Oui, ça, c'est moi. Ça. Donc, le soignant. Rencontre Dieu en servant les autres. C'est incroyable. J'ai une amie, moi, c'est réellement Dieu dans toute sa compassion se révèle quand elle prend soin de l'autre. Et Dieu lui parle à elle, pas spécialement pour les autres, elle lui parle à elle, elle est renouvelée dans ses forces, dans son esprit, dans son âme, dans tout son être, parce qu'elle est, elle se donne pour les autres. Le contemplatif. Attiré par la solitude, la réflexion et la prière solitaire. Ça, j'en connais aussi, je ne les citerai pas. Le conceptuel, aime Dieu en apprenant, en étudiant. Donc là, bon, il y en a neuf, mais quand on sait ça, quand on sait le chemin, comment Dieu nous parle, c'est facile. Et c'est facile ben, de l'entendre par image et les six points qu'on a vus. Moi, ce que j'aimerais faire là, c'est que ce que je crois aussi, c'est que quand on parle, quand on s'exprime, quand on le dit en fait, quand on dit les choses, qu'on les dit à haute voix, je pense que ça libère aussi la façon dont on s'exprime. Donc j'aimerais qu'on se mette par deux. Et que, parce que pendant que j'ai parlé, là, je suis sûre que vous avez réfléchi un peu de dire, ben oui, j'ai eu des images, oui, j'ai eu des visions ouvertes, oui, j'ai eu des impressions, oui, j'ai eu des idées. Et en se mettant par deux, je pense, c'est de dire à la personne avec qui on est, de dire, oui, moi, j'ai eu des images où j'ai entendu Dieu audiblement, de l'exprimer et que ça soit plus quelque chose de secret et que Dieu honore ça aussi. Je me souviens une fois, Dieu ne me parlait pas trop par image. J'ai beaucoup d'impressions, j'ai beaucoup d'idées. Ouais, j'ai des idées, non, je rigole. Et j'ai des idées. Et en fait, un jour, j'ai passé un temps de prière avec deux personnes et qui activaient ça, en fait. Et là, j'ai eu une image très claire, presque une vision ouverte. Voilà, je découvre maintenant. Tout à l'heure, je disais, oh, j'ai jamais eu ça. et depuis ce jour-là, et en fait, c'est comme si que ça s'est activé en fait. C'est ça activé. Donc maintenant, je vois plein d'images. Je vois beaucoup plus d'images parce que aussi ce jour-là, je dis waouh, je vois ça. Bon, j'avais vu une image, machin, un dessin, et je vois ça et je l'ai dit à haute voix. Et de dire, et après, du coup, en fait, c'était comme si un bouton était appuyé, et maintenant, je sais que Dieu me parle beaucoup par image. Donc, de le dire et de l'exprimer à deux. Donc, si on peut se mettre par deux, donc vous choisissez un partenaire de révélation. Et puis on va prier pour ça. Vous allez dire déjà, eh bien, voilà, moi Dieu me parle souvent, ou c'est arrivé, ou ça peut être qu'une fois. Hein, il n'y a pas de jugement. Mais aussi, c'est une activation aussi. De l'exprimer, ça va être une activation. Donc, allez-y. Allez. Mettez-vous par deux et on va prier. Merci Jésus, Seigneur, je te prie et je te loue pour ce temps, Seigneur. Et Seigneur, dans ce temps de partage et de prière, je prie qu'il y ait une nouvelle activation, Seigneur. Seigneur, que vraiment ta présence, ta parole descende. Seigneur, que chaque personne ici, Seigneur, passe cette porte et voit de nouvelles choses au travers de ta parole, Seigneur. Au travers, Seigneur, des pensées, Seigneur, des impressions physiques, émotionnelles, Seigneur. Je prie aussi qu'ils aient, Seigneur, des images, des visions ouvertes, Seigneur, des songes, des rêves, Seigneur. Que l'Église Transformation soit activée dans ces choses, Seigneur, soit activée à entendre le langage que tu as pour nous. Je prie vraiment pour qu'une ouverture sur chacun de nous soit là. Merci Père, parce que tu nous donnes des visions, des choses nouvelles, que ça soit nouveau pour nous et que nous n'ayons pas de crainte, Seigneur, à capter, Seigneur, comment tu nous parles, Seigneur, mais que nous soyons vraiment ouverts à cela au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus.